Just let me boy. Allô? Allô? Allô? Baby, jamais, jamais je ne te laisserai partir. Tu descends, tu montes, j'arrête ton caba. Et même si t'as ma thème, boum là, je vais être à côté. Je joue mais oui, quoi qu'il arrive en solo. Bébé, je t'appelle. Ignore pas mes appels. Mais chérie, essaie de m'écouter. Je suis réglo, tu peux me croire. C'est vrai que je cherche le travail. Je ne suis pas un mouna de capo. Moi, je te dis la vérité. Le tendolo, ma coco. Tu veux des cargos. Je vais seulement falla. Le téléphone. Je vais seulement falla. Manger le héros. Je vais seulement falla. Veux des diamants. Je vais seulement falla. Bébé, jamais, jamais je ne te laisserai partir. Ma san, ma san, ma san et wa. Je n'en que ton pater est sévère, je ne fais pas le bruit. Je joue mais oui, quoi qu'il arrive en solo. Bébé, je t'appelle. Ignore pas mes appels. Mais chérie, essaie de m'écouter. Je suis réglo, tu peux me croire. C'est vrai que je cherche le travail. Je ne suis pas un mouna de capo. Moi, je te dis la vérité. Le tendolo, ma coco. Tu veux des cargos. Je vais seulement falla. Le téléphone. Bébé, je vais seulement falla. Manger le héros. Je vais seulement falla. Veux des diamants. Bébé, je vais seulement falla. Bumba, so you want my lira, gonna go falla. Anyway, you want my lira, gonna go falla. Si tu veux les bijoux, je vais seulement falla. Si tu veux la monnaie, oh, baby, I go falla. Tu veux les gâteaux, je vais seulement falla. Le téléphone, je vais seulement falla. Je vais seulement falla. Je veux des diamants. Bébé, je vais seulement falla. Tu veux des cargos. Je vais seulement falla. Le téléphone. Bébé, je vais seulement falla. On est le héros. Je vais seulement falla. Je veux des diamants.